Chapitre 172. La recommandation de multiplier les invocations pendant le voyage. 980. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: trois invocations sont toujours exaucées. L'invocation de l'opprimé, celle du voyageur et celle du père contre son enfant. At-Tirmidhi a dit: Hadith Hassan. Et Abu Daoud, qui ne cite pas la fin du hadith, qui dit: contre son enfant.